Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréal. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-80. Ici Pascal Cloutier, maire. La période des fêtes est le moment propice pour vivre de doux moments avec ceux qu'on aime et aller vers l'autre généreusement. Je vous encourage aussi à faire vos achats localement pour supporter votre collectivité et son économie. Les membres du conseil municipal de Dolboum-Stessigny se joignent à moi pour vous souhaiter joyeux Noël et une bonne année 2018. Nouvelle qu'on a sortie la semaine passée sur les ondes de DanRadioSport.com. Jonquin pourrait accueillir l'Empire Baseball League. C'est une ligue qui est un petit peu, comme qu'on pourrait dire, pendant ou encore qui peut servir de filiale à la Ligue Calam. J'ai voulu avoir la réaction du président des Capitales de Québec, Michel Lapente, puis lui parler également du dôme qu'ils ont fait à Québec, le dôme de baseball, il y a un dôme sur le stand de Canac. On en parle avec Michel Laplante. Salut Michel! Salut Danny. Michel, D'abord, je voudrais avoir la réaction des Capitales de Québec parce que c'est une nouvelle quand même importante. C'est un projet embryonnaire, comme qu'on pourrait dire. Par contre, ça pourrait être très intéressant pour Ville-Saguenay et même intéressant pour la Ligue Canam. Moi, je vois bien. C'est drôle, là, c'est sûr que la Ligue Canam, c'est une ligue qui n'a pas beaucoup de sous, c'est vrai. Mais pourquoi pas une association entre l'Empire League Baseball et la Ligue Canam? Et même de ça, que si jamais il y a une équipe à Jonquière qui ne pourrait pas servir de club ferme au Capitale de Québec? Oui, bien en fait, ce que j'aime de cette ligue-là, c'est que ça peut faire un beau pont des fois entre les joueurs juniors et les joueurs professionnels. Okay. On espère toujours avoir le plus de joueurs québécois avec nous. Et le passage du junior majeur directement à la Ligue Canam est presque impossible. En fait, il est possible, mais il est très, très, très difficile. Okay. Le parcours d'un joueur pour arriver normalement à la Canam, c'est un joueur qui a joué 3-4 ans d'université américaine. Ensuite de ça, il a été repêché, il a joué 2-3 ans dans les professionnels. Ensuite de ça, il se joint à la Ligue Canam. Donc, d'aller directement de la Ligue junior majeur à la Canam, on l'a vu à quelques reprises. On a eu un Pat Baou qui l'a bien fait. L'an passé, il y a eu quelques joueurs aussi dans la Ligue, là, un ou deux par année, qui réussissent à faire là, le saut entre les deux, mais c'est plutôt difficile. Et l'Empire State, je dirais que l'Empire League, c'est un petit peu une ligue qui est entre les deux, dans le sens que c'est un beau c'est un beau tremplin là, entre les deux niveaux. Donc c'est sûr qu'il y aura un côté intéressant à ça. Maintenant, géographiquement, est-ce que pour cette ligue-là, c'est concevable d'avoir une équipe au Saguenay où on se ramasse peut-être plus à 4-5 heures de route pour les budgets qu'ils ont. Je ne sais pas, je suis pas au courant vraiment de tous les développements dans cette ligue-là. Mais effectivement, que d'avoir des joueurs qu'on puisse aller piger parfois dans l'été, on sait que bon, il arrive des blessures, il arrive toutes sortes de situations. Puis donner la chance à un joueur qui serait soit à Granby, soit au Saguenay. Qu'on peut aller coucher là-dedans, autant pour Trois-Rivières, Ottawa que Québec, bien, effectivement, ça pourrait être une bonne idée. OK. Donc, tu vois pas ça d'un mauvais œil du tout. Il y a des gens qui se posent des questions, qui trouvent ça, dire, ouais, mais pour les ligues inférieures, comme les Voyageurs de Ville-Saint-Denis, comme aussi le baseball mineur, je pense qu'il y a une équipe midget aussi à Ville-Saint-Denis aussi. C'est pas une bonne idée. Moi, je réponds à ça. Si t'as un calibre plus haut, ça peut juste faire parler plus de baseball. C'est pas nécessairement vrai que ça va nuire aux autres calibres. Là. Puis même de ça, on me dit qu'à Trois-Rivières, le niveau d'inscription du baseball mineur a augmenté avec l'arrivée de la Canam. C'est pas une mauvaise idée tant que ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé ici à Québec. Faut juste que ce soit bien fait. Je peux comprendre qu'il y a des gens sceptiques parce que si c'est pas bien fait, effectivement, que tout peut être dirigé vers l'organisation des cours supérieurs, mais c'est pas l'objectif. Par exemple, à Québec, ce qu'on fait, autant avec les diamants, avec le baseball mineur en général, c'est un véhicule qui dans le fond, fait la promotion du baseball, mais après ça, il faut s'assurer que autant l'organisation, les joueurs, en tout cas à tous les niveaux, sont impliqués dans la communauté. Et là, dans ce temps-là, c'est bien fait. Avec les diamants, on fonctionne de la même façon, dans le sens que oui, il y a un partage au niveau du stade, mais aussi par la fondation, on aide aussi les diamants. Donc, les diamants, si on recule de il y a 19-20 ans, quand il était installé, je vais vous donner un exemple, il y avait l'ensemble de la publicité dans le stade. Mais là, c'est les capitales qui sont les professionnels qui arrivent avec ça, sauf que les capitales doivent agir aussi comme grand frère dans tout ça et faire un partage avec eux. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de tout le monde et tout ça peut se faire ensemble, dans le sens que ce genre d'équipe professionnelle-là peut avoir un représentant du baseball mineur de la région du Saguenay qui vient aider là-dessus, qui s'assure que justement il y a un partage. N'oubliez pas que si tu vas jouer au niveau du junior au Saguenay, après ça, ça te donne l'occasion de jouer un ou deux ans professionnels, deux années comme ça. Ben, ça encourage tout le monde à vendre le baseball, à jouer au baseball, tout ça encore quelques années de plus. Il y a des joueurs, des fois, qui sont rendus universitaires. Et l'idée de pouvoir jouer une année ou deux professionnels, ça fait mal à l'affaire. Donc, il faut juste que ça soit bien fait. C'est clair. Là, j'ai eu la réaction première, on va l'avoir la semaine prochaine aussi, de la ville Saint-Denis. Michel Tifaud m'a dit la ville n'a pas d'argent pour ça. Est-ce que ça marche comme un propriétaire? Comme Miles Wolf avec les capitales, ou ça peut être la ville? Comment ça marche, en fait, l'arrivée d'une Empire League Baseball? Qu'est-ce que tu sais, là? Ben, écoute, comme je sais pas grand-chose, mais le fonctionnement de ce genre de ligue-là, ça prend tout d'abord un mécène. Okay. Ça prend quelqu'un qui veut redonner à la communauté. C'est pas des gros sous. Là. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'équipe de hockey junior majeur. C'est pas du tout dans ces sphères-là, dans ces montants-là. Je pense pas que la ville, c'est son mandat nécessairement aussi de s'approprier d'une équipe comme ça. Normalement, les villes vont réduire les coûts au niveau de l'allocation du stade ou aider un peu à ce niveau-là parce que de se promener avec le logo de la ville un peu partout. Ouais. En Angleterre, tout ça, je pense que c'est une belle propriété pour une ville. Ben oui. Maintenant, les villes, souvent, ils tentent de réduire les dépenses de ces équipes-là sans s'impliquer directement financièrement. Je pense que c'est de façon de faire. Et les villes souvent laissent les organisations faire le job aussi. Si l'organisation va bien, que tout le monde qui les encourage, qu'il y a une belle visibilité, ben, à ce moment-là, les villes s'adaptent puis aident un petit peu plus à chaque fois qu'il y a peut-être plus de visibilité avec ça. Donc, c'est mais tu sais, on parle pas de dépenses d'un million de dollars. Non, on parle de 350 000 à peu près. Exactement, mais c'est ça. Mais donc, c'est des déficits souvent qui se ramassent à 30, 40, 25, 30, 40 000 par année. Et ça se fait très bien par un homme d'affaires, exemple, qui porte soit le lot, qui décide de s'impliquer dans une communauté à travers son équipe. Sort. OK. Michel, donc, on va surveiller ça de près au cours des prochaines semaines. Michel, le dôme que vous avez mis au stade Canac, ce que j'ai lu à travers les branches, c'est très positif. Est-ce que c'était fait pour le baseball, hein? C'était fait pour les autres sports? Parle-moi un peu de ça, de ce projet-là. Oui, ben en fait, le stade municipal servait seulement 4 mois par année. Ouais. Les capitales principales utilisateurs, la surface trop fragile pour accueillir d'autres événements. Les capitales, évidemment, étaient 100% utilisateurs. Puis on combinait nos deux équipes ensemble à environ 450 heures d'utilisation annuellement. 450 heures pour une infrastructure qui est quand même assez dispendieuse pour une ville à opérer, à garder en santé, à la hauteur d'accueillir une équipe junior majeure ou professionnelle. Donc, c'était toujours là une dépense vraiment pour une ville d'entretien en étant parfois difficile à justifier dépendamment de la vision de un ou de l'autre. Là, je veux dire, ça pouvait changer. Avec le dôme et le synthétique, on vient de complètement changer la donne. On passe de cette année-là en location de terrain. Les 18 dernières années, on louait en moyenne 440 heures. Okay. Cette année, on va passer aux 3500 heures d'utilisation. Ouf, OK. Donc, ça va rentabiliser les opérations des capitales aussi. Complètement. C'est parti d'un OBNL. Donc, on est un organisme qui s'est formé, qui a fait un emprunt à la banque. Encore une fois, on a été aidé par la famille Laberge, là, qui, justement Canac, dans tout ça, qui nous a aidé dans ce processus-là. Mais maintenant, les capitales jouent une semaine à maison. Donc, à quoi un horaire peut ressembler durant la semaine? Ben, c'est rempli de camps de jour. Et lorsqu'il arrive 4 heures, les capitales prennent le terrain jusqu'en soirée. Ensuite, les capitales partent une semaine sur la route. Okay. Et là, le terrain est rempli complètement de jeunes politiques. Toute la semaine, en plus de différents événements qu'on peut dire. Quand on arrive au 15 octobre, on met la bulle par-dessus le terrain. On joue à l'intérieur l'hiver pendant 26-27 semaines. On est rempli ici de soccer, de ultimate frisbee, de softball, de baseball. Et le 1er mai, on va défaire tout ça pour retourner en été avec la surface extérieure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. C'est sûr qu'avec la tempête de neige la semaine passée, ça va être un peu plus difficile là, à gérer. Là, d'aide un peu tout le monde, mais tout le monde met l'épaule à la roue dans ça. Jusqu'à date, ça fonctionne très bien. À Ville-Saguenay, ils se cherchent un dôme, ils se cherchent des terrains de soccer synthétiques. Donc ça pourrait être une très très bonne alternative. Là, c'est pas très coûteux, puis c'est très payé, c'est payant de la manière que tu peux me voir. Là. Ça pourrait être une belle alternative. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous avez certainement vu ça à quelque part pour que ça arrive à Québec. C'est où? Comment ça a commencé ce projet-là? Ben, en fait, le projet au départ, c'est que nous, on cherchait un centre intérieur pour le programme sport-études. Notre programme sport-études à Québec est plus de 140 jeunes. OK. On utilisait des locaux qui étaient vieux, qui n'étaient plus utilisables. Il fallait les fermer dans les années qui s'en venaient. Donc, on a vu ça carrément sur Internet. La difficulté, c'était de l'installer au stade pour pouvoir être fois amovible. Donc, il fallait faire un peu comme un solage sous le synthétique. Et on fait seulement lever une partie du synthétique pour installer le dôme en hiver. Donc, il y avait ce côté-là qui était créatif. Sauf que on se rend compte, puis on avançait dans le dossier, qu'il y a des dons partout sur la terre, sauf au Québec. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. On a tenté là, de trouver l'historique. Les dons existent depuis la fin des années 60. Il y a eu, au niveau technologique, des dons qui n'ont pas fonctionné. La neige a affaissé les dons dans les années 70-80, mais la technologie a complètement changé. Ce qui fait que ce qu'on reçoit, ce qu'on a installé, est vraiment simple. Et on trouve ça dans la région d'Ottawa, dans la région de Mississauga, de Toronto. C'est très populaire en Finlande, en Suède, dans ces pays-là. C'est beaucoup moins coûteux. Et l'effet qu'on puisse utiliser les surfaces à l'année longue, ben, c'est très utile. Les centres intérieurs qui sont presque inoccupés en juin, juillet ou septembre, parce qu'il fait trop chaud, ben, c'est des pertes considérables. Alors que lorsque vous êtes capable d'enlever le don pour utiliser la surface autant l'été que l'hiver, ben, je pense que c'est là qu'il y a la bonne situation. Puis l'effet qu'on soit 70 pieds en hauteur, tout ça fait qu'on peut jouer du baseball à l'année énorme. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec, au Canada, que tu peux carrément jouer un match de baseball en plein hiver. Et ben oui. C'est bon pour le développement des jeunes aussi, parce que ce qui est reproché, on écoute beaucoup, là, pourquoi il n'y a pas autant de Québécois dans le baseball majeur, pas autant de Canadiens, c'est justement parce qu'on dit notre climat est pas favorable, faut s'expatrier en Floride, c'est pas tout le monde qui est capable de financièrement de s'expatrier en Floride, là. Donc pour le développement du baseball au Québec, c'est magnifique. Là. Hein? Absolument, non, je veux dire, c'est... Ouais. On va voir là, les conséquences de tout ça, je pense, ben, 5-6 prochaines années, mais déjà que les jeunes en sport-études, on va dans le dôme à tous les matins, on va sourire, puis on est capable de faire des ballons, on est capable de jouer des matchs, on est capable de travailler plein de choses. La surface est immense, on parle de 55 000 pieds carrés, donc on est capable de quoi jouer, de faire des exercices avec 80-90 jeunes à la fois, qui sont répartis un peu partout sur l'aire de jeu. Okay. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. Michel, si tu permets, on va la pause. Je reviens dans quelques instants. Tu dois être en train de préparation de la saison 2018 de la Ligue Can-Am. Donc, vous êtes à l'écoute de notre avec Michel Laplante sur les ondes de DanRadioSport.com. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. On est de retour à DanRadioSport.com. On a le président des Capitales de Québec, Michel Laplante. Michel, la saison 2018 s'en vient dans quoi? On doit, j'imagine, être en pleine préparation. La Ligue Can-Am, ça va ressembler à quoi en 2018? Est-ce qu'il va y avoir autant d'équipes? Est-ce qu'il va y avoir du baseball indépendant? Est-ce que, donne-moi les dernières nouvelles. Oui, ça va ressembler beaucoup à l'an passé encore pour 2018. OK. Au niveau des équipes internationales, l'année passée, on avait la République dominicaine et Cuba. Le Cuba sera de retour vraisemblablement l'an prochain. On va probablement avoir une équipe de la République dominicaine. Puis l'autre équipe, ben, on est... Quand tu parlais là, qu'on est dans un temps d'année où on travaille pas pour la prochaine saison, c'est vraiment un des temps les plus occupés de l'année, le quand arrive décembre, ouais. Parce que dans mon cas, moi, c'est vraiment de préparer la prochaine saison. Et écoutez, les décisions, ça va bien les dernières années. Les gens, je pense que les gens aiment le modèle. C'est sûr qu'on est en train de discuter avec différentes villes pour avoir d'autres équipes au niveau de la Can-Am. Ce serait le fun de monter à 8 équipes. Il y a l'Atlantic League qui, avec son calendrier beaucoup plus long que le nôtre, a certaines difficultés. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir là, une unification des deux ligues? Je serais pas surpris. Ben, il faudrait, parce que c'est pas assez 8 ligues. Ouais. C'est pas assez 8 équipes. 6 équipes, c'est pas assez. On veut plus d'équipes que ça, tout le monde. On veut aussi une équipe à Montréal. C'est sûr qu'on a un intérêt pour ça. Ça avance quand même dans certains dossiers. Évidemment, ce qu'on parlait, là, les sports du Dôme, synthétique qui fait qu'une infrastructure pour accueillir à l'année longue du sport, ben, c'est plus séduisant là, pour une ville, pour une association. Donc, il y a tout ce volet-là qui est important et qui est un grand facteur dans tout ça. Donc, on travaille à mettre sur pied vraiment une saison qu'on espère avoir à la hauteur de celle de l'an passé, parce que l'an passé, là, ça a été extraordinaire. Là, on débute notre 20e saison. Ben oui. Donc, On a des fans fidèles qu'on veut continuer par contre de séduire. On veut pas savoir le signal là et penser que tout va rouler par soi-même. Faut être créatif dans tout ça. Il y a d'autres belles organisations au Québec là, dans tous les sports. Puis je pense qu'il faut garder toujours un produit qui est à la hauteur pour s'assurer que les gens continuent de venir et qu'on tente de préparer. Votre site Internet va-t-il être revampé? Ça fait dur, hein? Ça fait dur. Hier, je regardais l'Empire League Baseball. Le site Internet est plus beau que la Ligue Can-Am. C'est pas drôle, là. Écoutez, il y a des gens vraiment qui sont là-dessus pour tout retaper. Il y a toutes les statistiques là-dessus. C'est vraiment le volet, par contre, sur lequel je suis le moins habile. Là, tout ce qu'on tombe dans l'informatique, tout ça à la Ligue, c'est pas mon amant. Mettons que je suis plus du côté de trouver des équipes internationales puis de trouver des marchés, mais ce dossier-là, je le contrôle pas. Bon. Ben, Michel, m'as-tu souhaité des joyeuses fêtes Très, très belle période, belle idée également, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ce dossier-là de l'Empire League Baseball. Je trouve que c'est un beau projet, je sais pas si ça va voir le jour, mais ce serait bon pour le baseball là, au Saint-Jean. Ben, tant mieux, puis joyeuses fêtes à tout le monde dans votre coin. Voilà, donc le président des Capitales de Québec, Michel Lapointe.